La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, à quoi les abeilles pensent-elles et à quoi nous font-elles penser ? Depuis presque toujours, disons depuis la nuit des temps, même si je suis conscient qu'il est risqué de parler ainsi, car il n'est pas certain qu'il y ait plusieurs temps, ni qu'ils aient tous une nuit, et encore moins qu'ils aient tous la même nuit s'ils en ont une, enfin bref, depuis longtemps, l'abeille excède ce qu'elle est. On l'a toujours symboliquement surgonflée, on l'a toujours soumise à une overdose métaphorique, on l'a par exemple décrite comme un puits de science, on l'a considérée comme un modèle de vertu, elle serait dévouée, fiable, fidèle, altruiste, travailleuse, économe. On en a fait l'emblème de la monarchie ou de l'empire, mais aussi de l'anarchie, de la démocratie, du communisme. On a tiré de son comportement des leçons d'industrie, de domination, d'organisation, de poésie, de piété, de chasteté ou au contraire de butinage. On la prend en exemple lorsqu'on parle d'intelligence collective, ou bien de citoyenneté participative, ou bien d'auto-organisation. Est-ce que cela ne fait pas trop pour une petite bête ? Qu'y a-t-il en elle qui nous fascine tant ? D'où vient l'idée que les mouches à miel, comme on appelait autrefois les abeilles, pourraient nous aider à mieux penser, à mieux savoir qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous allons devenir ? Et d'ailleurs, au fait, les abeilles pensent-elles ? Pour discuter de tous ces sujets, j'ai invité Aurore Avargas-Weber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse et vous vous intéressez notamment à l'intelligence des abeilles, à leur mode de perception, notamment visuel. Tout à fait. Et j'ai aussi invité Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne. Mais avant tout cela, et peut-être bien plus que tout cela, vous êtes depuis votre naissance le frère de votre frère aîné, qui est François Tavoyot, qui est apiculteur en Haute-Loire, et avec lequel vous venez de publier « L'abeille et le philosophe, étonnant voyage dans la ruche des sages ». Donc vous êtes tous les deux, en quelque sorte, des spécialistes des abeilles. Est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous êtes déjà rencontrés ? Jamais, non. Non. Et ben voilà, c'est une première. Et je vais commencer par vous poser une colle. Quel poète a écrit les deux vers suivants, parfois et sans doute de moins en moins utilisés par les séducteurs ? Ninon, quand vous riez, vous savez qu'une abeille prendrait pour une fleur votre bouche vermeille. J'ai eu croisé ça, mais... Bon, je suis très fier de vous coller, colle, ouais. C'est Alfred de Musset. Ah oui. Bon. Alors, deuxième question, j'ai le sentiment que, compte tenu du sujet d'aujourd'hui, nous allons peu parler de physique, mais cela ne nous empêchera pas de parler un peu d'Einstein. À cause de cette prophétie qu'il aurait dite et que nous répétons à l'envi, le jour où les abeilles disparaîtront, l'humanité n'aura plus que 4 ans à vivre. Peu importe en l'occurrence la formulation exacte, puisque c'est une phrase que Einstein n'a jamais écrite, il n'a même jamais parlé des abeilles, mais Pierre-Henri Tavoyot, c'est à vous que je pose la question, d'où vient que l'homme lie et corrèle sa propre survie à celle des abeilles ? Oui, donc cette phrase est un faux, puisqu'elle apparaît en 1992, alors qu'Einstein est mort depuis longtemps, donc en tout cas les premières occurrences. Mais elle révèle quelque chose d'assez intéressant, parce que pourquoi est-ce qu'on impute à la grande conscience scientifique de notre temps justement cette prophétie, cette spécialisation sur l'abeille, avec l'idée que effectivement l'humanité tentait sans arrêt de projeter sur l'abeille, en quelque sorte... toutes les interrogations qu'elle se pose, le cas échéant, toutes les angoisses. Comme si l'abeille était un peu le baromètre du destin de l'humanité, ce miroir de l'humanité. Et la réponse qu'on essaye de mettre en place avec mon frère François, c'est que depuis la nuit des temps, justement, l'abeille a été en quelque sorte convoquée à chaque fois pour des missions spéciales, avec des rôles très définis, pour nous expliquer, par exemple, à l'origine, le secret du rapport entre la nature et la culture. Pourquoi le cosmos est-il si harmonieux ? Pourquoi y a-t-il malgré tout quelques désordres ? Quel est le secret de l'accès à Dieu ? Pourquoi les abeilles sont-elles le reflet de la géométrie du monde ? Donc, d'une certaine façon, en termes politiques aussi, qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner sur les régimes politiques ? Comme si, en fait, dès que l'humanité se posait une question, elle était tentée d'aller voir du côté des abeilles et d'aller y trouver des réponses. Bon, Einstein n'a jamais dit cette phrase, mais peut-être qu'elle est vraie quand même. Qu'est-ce qui se passerait si les abeilles disparaissaient vraiment? Alors les abeilles ne sont pas les seules pollinisatrices, donc on peut penser qu'effectivement ça irait mal, mais voilà, l'hypothèse d'une disparition des abeilles, je pense, est un peu périlleuse à envisager. Si on veut protéger les abeilles, il vaut mieux parler de leur surmortalité aujourd'hui que d'annoncer une sorte de catastrophe ou de cataclysme à venir. Je pense qu'il est plus raisonnable d'être attentif aux causes de la fragilisation aujourd'hui des ruchers, notamment avec les néonicotinoïdes, plutôt que de rentrer dans un discours catastrophiste qui va nous tétaniser en quelque sorte et va nous faire considérer que plus rien n'est à faire. Alors, quand on dit la nuit des temps pour les abeilles, ça remonte à bien plus loin que la nuit des temps pour les humains. L'homme est là depuis 2-3 millions d'années, les abeilles, si je ne me trompe pas dans mes sources, elle est là depuis 45 millions d'années, donc on a été précédé des abeilles pendant très longtemps. Oui, du coup, la ruche est une espèce de livre qui est présent, et ce livre présente, alors que l'abeille ne ressemble vraiment pas à l'homme, hein, soyons clairs, enfin, peut-être sur les questions d'intelligence on verra, mais il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cet insecte qui récolte, qui stocke et qui fabrique. Bon. Il y a aussi, encore plus mystérieux, cette production de miel qui est un des rares produits de la nature qui ne pourrissent pas. Avec l'idée que ce miel tombe du ciel d'ailleurs pendant très longtemps, c'est une rosée céleste, et donc c'est quelque chose qui vient de l'immortalité et de l'harmonie des sphères. Avec cette image aussi très surprenante, et c'est ça qui va nourrir la métaphore politique, qu'au sein de la ruche, il y a une diversité. Les fourmis aussi sont très impressionnantes sur le plan du collectif, mais les fourmis sont toutes pareilles. C'est un peu, le régime totalitaire. Ou presque toutes pareilles. Les abeilles, c'est vraiment très mystérieux parce qu'il y a les ouvrières, il y a les faux-bourdons, il y a la reine, il y a en plus des rôles très variables au sein de la ruche. Et donc, c'est une espèce de métaphore de la cité, même de la hiérarchie de la cité. Et donc, toute la question est de savoir comment cette diversité produit un ordre. Voilà. Et ça fascine. Alors, est-ce que c'est la reine qui commande? Est-ce que c'est les meilleurs qui sont à la tête? Aristocratie? Est-ce que c'est l'égalité qui règne? Donc, toutes les modèles vont être envisagés. Mais voilà, c'est cette similitude, en dépit de la différence, qui a fasciné. Alors, vous écrivez, Pierre-Henri Tavoyot, l'abeille est un insecte qui appartient à la catégorie des animaux qui ne respirent pas et qui sont composés de plusieurs sections susceptibles d'être coupées. C'est ce que dit l'étymologie du mot insecte, hein, qui veut dire coupable, on peut le couper. Donc on pourrait dire que l'insecte, c'est le contraire d'un atome. Oui, tout à fait, c'est le contraire d'un atome, c'est coupable, même si maintenant on sait que les atomes, on peut aussi les découper un petit peu. Mais, et même beaucoup. Oui, même beaucoup. Sans doute plus que les abeilles. C'est sans doute plus qu'on se pensait à l'époque de Démocrite. Mais oui, ça c'est la définition d'Aristote, qui est en fait le premier à essayer de comprendre. Et c'est ça qui est fascinant dans cette histoire, on va parler de science. Pourquoi le plus grand penseur de l'Antiquité, le précepteur d'Alexandre, a-t-il passé autant de temps à essayer de comprendre les mystères des abeilles? Parce que quand on fait l'inventaire, et certains grands savants l'ont fait, des œuvres d'Aristote, on s'aperçoit que l'espèce dont Aristote parle le plus après l'homme, et de très très très loin, ce sont les abeilles, dont elle lui parle dans plusieurs livres, et même on dit que des successeurs d'Aristote ont passé leur vie entière à contempler la ruche. Et donc, vous expliquez que Aristote remarque que l'abeille est très proche de l'araignée et de la fourmi, tout en étant radicalement différente. L'araignée chasse et ne fait pas de provisions, la fourmi recueille les choses qu'elle trouve toutes faites, tandis que l'abeille, elle, produit sa nourriture et l'emmagasine. Oui. Voilà, donc ça c'est effectivement ce qui fait cette spécificité, qui n'est pas la seule, puisqu'il y a aussi une spécificité politique. Et puis cette phrase très étonnante d'Aristote qui dit « l'abeille est divine ». Alors on se dit, mais l'Aristote scientifique, là, qu'est-ce qui lui est arrivé? On se demande vraiment pourquoi il nous dit que l'abeille est divine. Eh bien, il nous dit qu'elle est divine, et c'est pour ça que ça l'intéresse autant, parce que elle est la seule qui nous montre quelque chose qui relève de l'harmonie du cosmos, c'est-à-dire comment une chose peut produire une chose différente. Et c'est ce qui se passe dans la ruche, puisque les reines, dont on ne savait pas que c'était des reines, mais plutôt des rois, arrivent à produire, à se reproduire et à reproduire ce qui apparaissait à l'époque comme une espèce différente. Et donc, dans cette énigme de la reproduction, et Dieu sait si elle est compliquée, des abeilles... Oui, on va reparler de la sexualité des abeilles. Ouais, j'ai pas tout compris. Ça m'a l'air très compliqué. Oui, dans cette énigme-là, Aristote se dit qu'il y a la clé de l'origine du monde, et du fonctionnement du cosmos. Et donc la ruche est non seulement le reflet du cosmos, par son ordre quasiment parfait, et en même temps la clé de l'origine du monde. Donc l'abeille est métaphysique. Et c'est pour ça qu'elle intéresse le philosophe. Et c'est pour ça que ça passionne le philosophe. Oh, ma petite Élise, là, pour avoir chaud. T'es trop près du tuyau, tu vas te déshydrater. Allez, viens là, petite abeille. Ouf, t'es tout engourdie. Mais qu'est-ce que tu fous là, en plein mois de janvier? Bon, si tu restes ici, tu vas mourir. Alors moi, je vais te mettre dehors. Au début, tu auras très froid, mais tu vas voir. Il y a des endroits où tu pourras te réchauffer. Faut que tu retrouves ta ruche. Allez, bonne chance. Aurore Abagès-Weber, vous vous intéressez aux fonctions cognitives des animaux, notamment des abeilles. Alors, je crois savoir qu'un cerveau d'abeille contient à peu près 1 million de neurones, un peu moins même. Ouais. Alors que nous en avons 100 milliards. Voilà, enfin, c'est surtout ça qui est... Parce qu'un million, ça peut paraître beaucoup, mais c'est 100 000 fois moins que nous. Oui, voilà. Enfin, 100 milliards pour les meilleurs d'entre nous. Hein. Ouais. Mais est-ce c'est que un ça millimètre suffit, cube, c'est ça. Est-ce que ça suffit pour dire qu'une abeille, ça pense? Absolument pas, au contraire. Au contraire, juste un petit cerveau d'un millimètre cube, c'est toujours été considéré jusqu'à relativement récemment que ça servait juste à faire des réflexes et de la mémoire, un petit peu de mémoire. Parce qu'on sait depuis très longtemps que les abeilles apprennent, mais on pensait qu'elles apprenaient juste les caractéristiques de la fleur ou les indices pour se repérer, mais alors, pas qu'elles réfléchissaient, c'est des choses différentes. Sur ce point, dans le livre des frères Tavoyot, on parle d'Aristote qui remarque que les abeilles n'ont pas d'ouïe. Et il en tirait argument pour dire qu'elle ne pouvait pas apprendre. Parce que pour apprendre, il faut entendre. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Alors il y a deux textes. Un texte où il reconnaît qu'elles ont un peu de douille et l'autre où donc, un peu ambivalent. Elles peuvent entendre par les vibrations, mais oui. Donc elles ont pas vraiment douille. Mais en tout cas, ça c'est sûr qu'elles apprennent, oui. Et on s'en rend compte de plus en plus qu'elles apprennent. C'est-à-dire que plus on étudie les abeilles, plus on se rend compte qu'une abeille qui sort de la ruche ne sait pas grand-chose. Il y a très peu de choses innées, finalement. Et qu'elle apprend en observant les autres. Et elle apprend aussi, du coup, une fois par expérience, c'est-à-dire qu'elle va suivre plus ou moins les autres. Elle va trouver donc des fleurs avec du nectar et elle va apprendre les caractéristiques de la fleur et donc chercher après les fleurs de la même espèce. Et donc elle apprend la couleur, la forme, l'odeur. Et en même temps, une fois qu'elle n'a plus de nectar dans ses fleurs, elle va essayer les fleurs d'à côté. Donc elle va voir si elles sont bonnes, elles sont pas bonnes. Et très vite, comme ça, elle se fait une représentation de son environnement. Mais elle a une très bonne mémoire de toute l'expérience passée. Et à quelle heure de la journée elle a trouvé du nectar dans tel endroit, à quelle heure elle a trouvé dans tel autre endroit, parce que les fleurs peuvent changer. Elles n'ont quand même pas de montre. Elles ont une horloge circadienne comme tous les animaux, donc elles sont capables de voir le temps et elles sont très très bonnes à ça. On peut tout à fait les entraîner à aller à tel endroit à 10h du matin, à tel endroit à midi, à tel autre endroit à 14h et ça, elles y arrivent très bien. Vous dites les entraîner, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour entraîner des abeilles? Parce que nous, la seule façon de communiquer avec elles, c'est par ce qu'on appelle de l'entraînement. C'est tout simple, c'est en leur donnant une récompense sucrée si elles font le bon choix. Et donc pour ça, au départ, on peut tout simplement... Moi, je travaille beaucoup en visuel. Donc en visuel, c'est un papier, une couleur ou quelque chose comme ça. Et on pose l'abeille dessus en même temps avec du sucre ou du miel, une récompense alimentaire. Donc le miel ayant une odeur, moi, j'utilise que de l'eau sucrée pour qu'il n'y ait pas d'odeur et qu'elle utilise que la vision. Et donc là, son comportement normal, pour elle, c'est une fleur. Donc son comportement normal, c'est d'apprendre les caractéristiques de ce papier de carton. Et donc sa couleur ou sa forme ou quoi que ce soit que je lui mette dessus. Et ensuite, donc elle part à la ruche pour donner son nectar, et elle va revenir et elle cherche une fleur qui ressemble, qui aura une plus grande chance d'avoir du nectar aussi. Et donc là, à ce moment-là, ce que j'appelle être dressée, c'est que tout de suite, elle va aller sur ma fleur bleue. Maintenant, du coup, ça me permet, moi, de lui poser plein de questions, parce qu'à ce moment-là, par exemple, supposons que je ne sache pas si elle voit les couleurs ou pas, comme ça a été fait par Carl von Frisch il y a maintenant plus de 150 ans, du coup, il me propose une fleur, un carré bleu, un carré vert, un carré gris, un carré blanc, peu importe, et on voit si elle va sur le bon. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu démontrer qu'elle n'utilisait pas juste l'intensité de lumineuse, elle savait vraiment voir les couleurs, mais pas le rouge, mais par contre l'UV. Et donc, c'est vraiment juste du comportement pur qu'il a pu comme savoir quel était le spectre visuel de l'abeille. Et de la même façon, on peut voir si elles peuvent reconnaître des formes, etc. Donc ça, voilà, c'est un travail qui a déjà été fait depuis maintenant, voilà, longtemps, une centaine d'années. Très simple, voilà. On va à la ruche avec un papier de carton avec de l'eau sucrée dessus. On l'emmène sur notre table, on lui propose de boire sur une image et elle revient et on lui propose plusieurs images. Et on voit donc quel choix elle fait. Donc ça c'est vraiment la base. Ça suffit à comprendre qu'elle a une mémoire. Et donc là, on sait quand même une mémoire. On peut voir, est-ce qu'une semaine après, elle s'en rappelle? Donc la réponse est oui, elles ont une mémoire qui dure longtemps. Combien d'essais ce que j'appelle un essai d'entraînement à la besoin. Est-ce qu'en une fois, elle a appris? Est-ce que pour les formes, notamment, il faut plusieurs fois? Une fois, elle peut faire encore des erreurs. Donc, on peut comme ça voir un peu la dynamique de l'apprentissage et de la mémoire. Et donc, voilà, ça, c'est le visuel. Mais elles font ça aussi pour l'odeur et pour la localisation. Et donc, elles apprennent énormément. Et donc, ça, c'est sur la base des fleurs. Mais maintenant, assez récemment, on commence à se rendre compte que même tout ce qui était considéré comme inné à l'intérieur de la ruche, on voit qu'elles s'améliorent avec le temps, donc elles apprennent de leurs essais-erreurs. Et même la fameuse danse des abeilles, donc je vais juste dire quelques mots pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant. Donc la danse des abeilles, c'est une façon pour communiquer entre elles la localisation d'une source de nourriture. C'est-à-dire qu'une abeille qui a trouvé une source de nourriture particulièrement riche, lorsqu'elle rentre à la ruche, elle a tout un comportement stéréotypé qu'on appelle la danse et qu'on appelle un langage parce qu'il n'y a aucun lien entre sa danse et la localisation. C'est très codé, c'est-à-dire que suivant, elle fait un 8. Suivant l'angle du 8, ça donne l'angle en sortant de la ruche par laquelle il faudra aller par rapport au soleil. Et elle va aussi frétiller de l'abdomen et la fréquence de frétillement donne la distance. Et donc c'est un codage très précis et les abeilles s'y retrouvent très bien. Et bien sûr, justement, on parlait de l'horloge circadienne, c'est-à-dire qu'au cours du temps de la journée, le soleil bouge dans le ciel et donc l'abeille va changer sa danse sans même ressortir en fonction du temps qui passe pour que les abeilles ne se trompent pas vu qu'elles utilisent le soleil. Et donc, la chose intéressante... pourrait servir d'indicateur astronomique. Tout à fait. La chose intéressante est que justement, elles peuvent apprendre ce code. C'est-à-dire que oui, elles ont quelque chose d'inné sur la structure basique du code, mais plusieurs sous-espèces ou races différentes d'abeilles ont un peu un code légèrement différent. C'est-à-dire que la fréquence de frétillement ne donnera pas exactement la même distance. Voilà, il y a des dialectes, si vous voulez. Et donc, il y a une étude qui a montré que si on met plusieurs sous-espèces dans la même ruche, au début, évidemment, elles vont pas se comprendre. Mais très rapidement, et c'est ça le plus intéressant, c'est que très rapidement, en moins d'une semaine, les abeilles vont comprendre et mettre à jour leur langage. Pour dire que vraiment... c'est des animaux qui ont très peu de choses complètement instinctives. Elles s'adaptent en permanence et c'est le plus étonnant vu leur durée de vie. Ça semble assez étonnant. Dans l'un de vos articles, vous expliquez qu'elles savent compter. Oui. Alors j'imagine que c'est pas inné ça. Et comment est-ce qu'elles apprennent à compter? En fait, on sait même pas si c'est quelque chose qu'elles utilisent ou pas. Parce que donc, moi, je parle toujours voilà, d'entraîner, de dressage parce que c'est la seule façon que j'ai de communiquer avec elles. Et donc moi, ce que j'utilise comme dispositif, parce que c'est plus simple, c'est j'ai un gros Y. Un gros Y qui fait à peu près un mètre. Imagine un Y, elles rentrent par le bas du Y. Et comme ça, quand elles arrivent au bout de la branche, elles voient les deux autres branches du Y, elles voient une image dans chaque. Donc elles ont le choix à chaque fois entre deux images. Donc au départ, elles vont au hasard, et si elles choisissent la bonne image, il y a du sucre dessus. Si elles choisissent la mauvaise, il n'y a que de l'eau. Donc ça, c'est vraiment un principe tout simple. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'à la porte, on a mis une image en plus, dans laquelle elles passaient à travers. Donc elles regardaient une image où il y avait des objets. Donc par exemple, trois triangles. Donc elle arrive, elle voit trois triangles, très bien, elle ne sait pas ce que c'est, voilà, elle rentre là-dedans. Et après, elle a le choix entre trois rond bleu et, je sais pas, deux étoiles vertes. Et donc, au début, bien sûr, elle comprend absolument rien de ce qui se passe. Elle essaye au hasard et donc, elle n'aura la récompense que lorsqu'il y aura trois. Donc, le même nombre d'éléments. Et le coup d'après, on lui met à l'entrée deux carrés. Et elle a le choix entre deux objets et cinq autres objets. Et donc là, ça semble vraiment très difficile à croire, du moins au départ, c'est que assez rapidement, au bout d'une heure, elle comprend que la règle du jeu, c'est le nombre. Et j'aime beaucoup raconter que des enfants humains, donc jusqu'à l'âge de 7-8 ans, n'y arrivent pas. Je l'ai fait maintenant de nombreuses fois, parce qu'il y a trop d'informations qui changent. C'est très difficile donc au départ, et d'ailleurs l'abeille aussi fait ça au départ. Elle dit « Ah tiens, j'ai eu du sucre sur un triangle. » Alors le coup d'après, je vais sur le triangle. « Ah mince, ça marche plus. » Bon, c'était pas le triangle. Alors, « Ah, peut-être la couleur. » Alors, hein, elle essaye la couleur, ça ne marche pas. Alors là, tiens, la forme, il y en avait un en haut à gauche. Peut-être que si je vais là, il y a un objet en haut à gauche. Enfin, on voit vraiment un peu toutes les stratégies qui se mettent en place. Et les enfants font pareil, parce qu'en plus, les enfants parlent. Donc, c'est extraordinaire, on les écoute. « Ah oui, mais pourquoi le coup d'après ?» D'avant, il y avait des triangles. Pourquoi maintenant, les triangles, c'est pas bon? Et on a beau répéter un nombre de fois, ils n'y arrivent pas. Et le plus marrant, c'est que nous, c'est premier essai. C'est que je montre à un adulte ça, tout de suite il dit bah oui, c'est les nombres. Parce qu'on est habitué à travailler sur les concepts. Ce qu'on appelle un concept dans notre jargon, c'est les relations. Les notions de avant, d'après, plus grand, plus petit, les nombres, au-dessus, en dessous. Ça fait partie vraiment de notre quotidien en tant qu'être humain, j'ai envie de dire. Et jusque-là, on déniait ça complètement, parce qu'inutile a priori, aux animaux. à part quelques limitations comme les grands singes ou les dauphins. On se rendait compte qu'ils y arrivaient sans trop vraiment comprendre en quoi ça aidait leur vie intérieure. Mais alors un insecte, en quoi il a besoin de se représenter le monde, d'avoir des notions d'avant, d'après, de au-dessus, en tant que notion par elle-même. Et là, voilà, par ces recherches-là... Est-ce que vous êtes capable de savoir jusqu'à combien elles sont capables de oui, compter ? Oui, ça, du coup, jusqu'à 5, elles y arrivent bien. Après, ça devient plus compliqué. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un peu notre limite à nous aussi, si on compte pas de façon séquentielle. C'est-à-dire que, sauf bien sûr, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, on y arrive à monter autant qu'on a prêt à compter. Par contre, si on nous montre juste une image et qu'on doit réagir assez rapidement, donc on n'a pas le temps de se dire les mots, dans ce cas-là, notre limitation est un peu la même. Vous avez écrit un article qui a donné lieu à pas mal de commentaires et qu'on pourrait résumer par le fait que vous avez démontré que chez les abeilles, l'arbre ne cache pas la forêt. C'est-à-dire qu'elles ont une vision qui est globale et non, elles voient le tout plus que les parties. Comment est-ce qu'on peut démontrer cela? Alors, en fait, sans trop se projeter dans les résultats qu'on obtient. Non, ce qui était intéressant, c'était toujours d'un point de vue comparatif. Parce que du coup, arrivant sur un nouveau territoire, moi j'arrive vraiment sur un nouveau territoire parce que jusque-là, c'était des cartes, et même les gens qui travaillaient sur les abeilles, c'était, en gros, elles prennent une photo de leur environnement, et c'est du réflexe, elles font pixel par pixel, etc. Et là, moi, je me rends compte, non, elles réfléchissent, elles analysent, elles voient les relations entre les objets, etc., etc. Donc, on change complètement de perspective. Et du coup, dans ce cadre-là, mon nouveau cadre de pensée, j'ai envie de dire, on s'est rendu compte par hasard qu'effectivement, au lieu de, lorsqu'elles voient une image complexe, au lieu de regarder les détails, et de retenir les détails, de se recréer comme ça, la fameuse forêt à partir des arbres, ce que font tous les animaux testés jusque-là, ce qui ne représente pas énormément d'animaux, mais ce qui représente tous les singes, ce qui est intéressant, les autres mammifères testés hors que l'homme, quelques mammifères, et les oiseaux. Pour l'instant, voilà, on fait les détails et on construit l'image. Et nous, en tant qu'êtres humains, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, on voit la globalité de l'image et après seulement, on procède les détails. Donc ça peut paraître quelque chose de physiologique qui a peu d'intérêt, mais finalement, ça pose une vraie question et j'ai pas la réponse parce que c'est pas un problème physiologique. C'est vraiment pas que l'œil de l'abeille est fait pour fonctionner de cette façon-là, de même que l'œil de l'humain, parce que notre œil est basiquement le même que celui d'un chimpanzé. Voilà, on a le même œil et même le même. Et pourtant, voilà, nous on voit de façon globale et en tout cas chez l'homme, ça a l'air très culturodépendant. Donc, Pierre-Henri Tavoyau nous explique que l'abeille fascine depuis toujours les philosophes. Vous nous expliquez qu'elle fascine aujourd'hui les scientifiques. Est-ce que vous saviez, Pierre-Henri, que les abeilles comptent? Ah non, non. La mémoire. La mémoire, on pouvait l'identifier. Ça, c'est l'observation des apiculteurs. Qu'elles apprennent. Alors, l'apprentissage, c'est fascinant parce qu'effectivement, on se dit, ça, c'est très, très impressionnant. Et immédiatement après, la question qui se pose, c'est quelles sont les limites? C'est-à-dire, et notamment, est-ce qu'on peut, par exemple, entre deux ruches, identifier des différences de performance dans l'apprentissage de ruches ou en fonction de l'âge entre guillemets de la ruche, en fonction de l'âge de la reine, et voilà. Et puis à un moment donné, quand est-ce que ça s'arrête? Parce que on pourrait se dire, si cet apprentissage était infini, d'une certaine façon, les abeilles auraient de la culture, c'est-à-dire une accumulation de capital qu'elles pourraient transmettre de génération en génération, et du coup, ce qu'on appelle pour les humains, effectivement, une accumulation de patrimoine culturel qui leur permettrait de rentrer dans la logique de l'histoire et en quittant la logique de la nature. Et donc la question que je trouve fascinante, c'est qu'est-ce qui constitue un point d'arrêt pour elle à cette accumulation de capital culturel? Alors vous décrivez mon projet scientifique de ces prochaines années, parce que maintenant justement c'est ça. La première chose c'était de voir dire, bon, les abeilles sont capables, voilà, on reste quelque chose comme ça. Mais maintenant ça pose une infinité de questions, et la question qui m'intéresse particulièrement, au-delà de l'aspect neurobiologique, qui est quelque chose vraiment, comment elles font avec un million de neurones, on n'en sait rien. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a le phénomène individuel? Parce que moi, je sélectionne pas mes abeilles quand je fais les tests et elles y arrivent quasiment toutes, 90%. Mais il y a une sélection qui se fait indépendamment de moi, c'est-à-dire que moi je suis dehors dans mon champ avec ma table et c'est les abeilles qui choisissent de venir. Moi je les force pas. Donc déjà, on sélectionne les plus motivées. Motivées, mais elles savent pas par quoi elles sont motivées. Non, mais on motivait déjà pour venir chercher du sucre, première étape. Ah oui. Après, celles qui en ont marre de se tromper ou que ça commence un peu à les gonfler, c'est de passer, elles vont plus revenir. C'est ça le truc. C'est que j'ai donc celles qui vont faire toute ma manip qui dure une journée. Ce sont celles les plus motivées. C'est pas jouer. C'est pas un échantillon représentatif. Je pense pas que ça soit affamé parce que moi, quand je travaille, il y a des fleurs autour. Donc, moi, bon. Plus joueuse. Moi, ça me donne cette impression-là, évidemment, que c'est anthropocentrique, mais ça me donne vraiment cette impression, surtout quelque chose qu'on voit souvent, c'est que souvent, quand elles ont trouvé le truc, après, elles font plein d'erreurs. C'est-à-dire que, voilà, on les voit prendre le temps de réfléchir, etc., etc. Une fois qu'elles ont compris qu'elles ont 100% de bonne réussite, après, elles commencent à aller hyper vite et à faire des erreurs. Ah, c'est, et donc c'est ça, moi, ça. Je trouve ça vraiment, d'un point de vue anthropocentrique, c'est très rigolo de se dire, bah, maintenant, ça y est, j'ai compris, ça m'intéresse plus ton jeu. Bon, évidemment, c'est une surinterprétation. Mais donc, du coup, la question de la culture, moi, me fascine dans le sens où une abeille, une fois qu'elle est butineuse, et on s'intéresse qu'à ces abeilles-là, elles vivent une semaine. À quoi ça leur sert d'aller apprendre des choses aussi compliquées? Et maintenant, je me rends compte que c'est pas juste moi qui les dresse en chien savant. Vraiment, une abeille, naturellement, va être capable de faire ses relations. C'est quelque chose de très naturel pour elle d'apprendre justement les nombres d'objets, etc. Donc, elle le fait naturellement. À quoi ça lui sert sur une semaine d'accumuler ça pour après mourir et que ça soit perdu pour la communauté? Et là, on n'a aucune évidence, à part cette danse qui est juste locale, localisation, je veux dire, de transmission. Maintenant, ça existe certainement. Et moi, j'ai des observations qui ne sont pas encore une preuve scientifique parce que je n'ai pas fait de façon quantitative. Mais vraiment, je pense qu'au-delà de juste la danse des abeilles, l'abeille qui va danser va aussi montrer tout un tas de choses au niveau du site. C'est-à-dire que moi, mon abeille test, qui est peinte, qui, voilà, elle revient toutes les 2 minutes. Et parfois, elle va mettre plus longtemps à revenir. C'est qu'elle est en train de danser dans la ruche, tout simplement parce que moi, je leur donne un sucre de très bonne qualité. Donc, elle danse dans la ruche pour recruter. Elle danse fort. Voilà, elle danse fort. Donc, elle va mettre 10 minutes à revenir. Et là, quand elle rentre, elle ne rentre pas dans mon appareil. C'est d'ailleurs très agaçant. C'est qu'elle tourne devant la porte, alors qu'elle sait très bien le chemin. Elle ne rentre pas. Et quand toutes les abeilles arrivent, là, elle rentre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu un déclic assez récemment, parce que c'était juste un constat que c'était très embêtant. Parce qu'après, comment faire pour faire rentrer juste ton abeille, pas les autres abeilles, etc. Et maintenant, je me dis, c'est peut-être quelque chose, peut-être c'est juste du hasard, mais c'est peut-être quelque chose à creuser, que peut-être qu'effectivement, les abeilles qui suivent vont observer le comportement de l'abeille qui est entraînée. Et c'est vrai que il est très difficile le matin d'entraîner une abeille à rentrer dans le labyrinthe et faire des choix. C'est pas du tout normal pour elle d'aller rentrer dans une boîte. Elle servira de guide. Exactement. Et en fait, celles qui sont autour, j'en ai toujours quelques-unes qui traînent, elles, si elles rentrent dans le labyrinthe, elles vont direct au sucre. Et ça, c'est quelque chose aussi. Ouais. Ce qui rejoindrait en tout cas, elles apprennent du comportement de l'autre. Après, est-ce que l'abeille qui est guide le fait de façon consciente ou entre inconsciente, c'est un grand mot, mais en tout cas, va avoir un comportement spécifique pour transmettre ou si c'est juste les autres qui acquiert l'information par observation. Je n'ai pas encore les éléments de tout ça. Voilà, c'est les choses sur lesquelles on travaille. Est-ce que ça invite ça doit, j'imagine, inviter à réfléchir à la notion d'information. Exactement. Et donc, au voilà, support de l'information. Ce qu'on appelle l'apprentissage social. Donc, quels sont les types d'informations qu'elles apprennent? Est-ce que c'est quelque chose d'inné d'apprendre de leurs copines? Ou est-ce qu'elles sont juste rendues compte que lorsqu'elles voyaient une abeille sur une fleur, il y avait du sucre? Et donc après, lorsqu'elles voient une abeille, eh ben, elles y vont. Parce qu'elles ont une grande chance de trouver une sucre sans spécialement comprendre que c'est une abeille. Juste, ok, quand je vois un truc rayé, noir et jaune sur une fleur, il y a du sucre. Et donc, c'est un peu comme une caractéristique des fleurs. Ou est-ce que, voilà, vraiment, elles comprennent que c'est une abeille, en particulier une abeille de sa colonie ou d'une colonie concurrente, etc. Ça, voilà. Et le problème, c'est que les étapes pour le prouver sont très longues et on est bien sûr, on doit être parcimonieux et a priori imaginer le plus simple. Et donc, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Est-ce que ce que vous faites, ces études que vous racontez là, pourraient servir d'exemple ou de modèle pour les roboticiens, par exemple? Oui, c'est sûr qu'on est souvent contacté. Déjà, bon, il y a toujours eu un lien entre insectes et robots, parce que c'est des animaux qui sont très sophistiqués dans leurs déplacements, etc., tout en étant en même temps relativement simples dans leur structure. Et du coup, justement, bon, ben, il y a cette histoire des relations qui peuvent faire penser à l'intelligence artificielle, donc ça intéresse les roboticiens. Mais aussi, bon, dernièrement, on a aussi montré qu'elles pouvaient reconnaître des visages humains, bon, ce qui semble relativement, c'est juste une image complexe, donc pour moi ça me semblait pas une découverte majeure, mais qui en fait a fait énormément de bruit, parce que jusque là c'est vrai que la reconnaissance des visages humains est liée à posséder une zone cérébrale dédiée à ça chez l'homme, et donc on disait bon, l'abeille n'a pas ça, qu'est-ce que vous allez raconter que l'abeille peut reconnaître le visage humain. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'abeille a évolué pour reconnaître l'homme, avec les apiculteurs, etc. Donc, bon, bien sûr, ce n'était pas ce qu'on disait. Ce qu'on disait juste, c'est qu'elle possède des yeux qui lui permettent de faire la différence entre deux humains et qu'elle retienne ça. Mais du coup, on a creusé là-dessus et on s'est rendu compte que non seulement, voilà, elle pouvait les discriminer, mais aussi elle utilisait les mêmes stratégies. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on reconnaît un visage humain, on utilise ce qu'on appelle la configuration, c'est-à-dire la relation entre les différents éléments du visage entre eux, c'est-à-dire la position des yeux relative au nez, relative à la bouche. Et voilà, juste cette organisation-là, ça nous fait tout de suite, ah, c'est un visage, notre zone spéciale visage s'active. Et en plus, après, des différences très subtiles nous permettent de différencier parmi des milliers, voire des centaines de milliers d'individus. Et donc l'abeille utilise la même chose. Elle n'utilise pas juste la couleur, le contraste ou je ne sais pas quoi. Elle utilise aussi les relations entre les différents éléments. Et ça, du coup, ça intéresse particulièrement les gens qui essayent de faire des détecteurs de visage, des reconnaissances de visage pour aller voir comment elle fait justement les stratégies dans le cerveau. Vu son cerveau si simple, en termes computationnels, c'est rien du tout maintenant par rapport à nos capacités de calcul informatique. Et donc on aurait des robots miniatures tout aussi performant qu'une abeille pour se repérer, pour se localiser, pour apprendre et pour reconnaître quelqu'un. Donc imaginez toutes les applications, ce qui font parfois un peu peur. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles. Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles dans ce cas je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien là, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Bien, Henri Taboyau, tout à l'heure, vous nous disiez que les philosophes se sont intéressés aux abeilles, notamment parce qu'elles sont censées nous renseigner sur l'origine du monde. Et vous racontez que, selon le mythe de Cronos, les abeilles ont servi d'intermédiaires qui ont permis de passer de la force brute originelle à la puissance civilisée. Et comment le miel a joué un rôle important dans cette affaire. Oui, c'est en fait les deux grands mythes, si on regarde l'usage de l'abeille dans la mythologie grecque, sont assez spectaculaires. Il y a un premier mythe qui consiste à dire que la naissance de la culture vient du miel. C'est-à-dire l'idée que Zeus, pour échapper à son père Cronos qui mange ses enfants, Gaïa, la mère, envoie le petit Zeus sur l'île de Crète, où Zeus est nourri du lait de la chèvre maltée, mais selon certaines versions également du miel de la nymphe Mélissa. Et cette éducation par la douceur, c'est-à-dire le miel et le lait, qui sont les incarnations de la douceur, constitue un élément clé dans la naissance de la culture, parce que c'est le moyen d'apprivoiser les forces brutales, les forces bestiales. Et d'ailleurs, le petit Zeus, quand il va affronter, enfin devenu grand, quand il va affronter son père, va utiliser une ruse médicale en lui présentant un gobelet où il y aura un tout petit peu de miel autour, à l'intérieur il y a un vomitif puissant. Donc le père, attiré par le miel, va boire le vomitif et il va à partir de là recracher tous les autres enfants qu'il avait dévorés. Donc ça sera le démarrage de la guerre des dieux. Donc l'idée, en effet, c'est que le miel, c'est la culture, c'est l'entrée dans la culture. Mais il y a un autre mythe tout aussi fascinant, qui est le mythe d'Aristée, qui nous dit qu'il ne faut pas trop de miel non plus. Il faut pas trop de douceur. Aristée est le gardien des abeilles, c'est l'apiculteur, le premier apiculteur. C'est un statut intermédiaire entre le dieu et les hommes. Et il a cette mission d'observer les abeilles, de les conserver et de les enseigner, d'ailleurs, de l'enseigner aux humains. Mais un jour, Aristée s'aperçoit que toutes ces abeilles ont disparu. Donc c'est la première disparition des abeilles. C'est là où on voit d'ailleurs que le mythe de la disparition des abeilles est vraiment un archétype mythologique, qui est quelque chose de très très profond dans notre histoire, dans notre inconscient collectif. Aristée s'aperçoit que ses abeilles ont disparu et il est évidemment très très malheureux parce que c'est son business en quelque sorte et sa tâche. Et donc il va voir sa mère, qui est la nymphe Cyrène, pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, et la nymphe lui dit d'aller voir un devin, et ce devin lui dit qu'il est lui-même responsable de la disparition de ses abeilles, parce qu'il est responsable de la mort d'Orphée. Alors, les choses se sont passées de la manière suivante, c'est une belle histoire. Le jour des noces d'Orphée et Eurydice, il y a tout le gratin divin était convoqué à cette noce. Il y avait Gala et bien sûr point de vue image du monde qui était présent ce jour-là. Voilà toutes les stars de l'époque et Aristée est invité comme tout le monde. Et là c'est très étrange parce que Aristée qui est vraiment le gendre idéal, c'est vraiment la personne sympathique, c'est un peu le French Doctor de l'époque. Enfin il aide tout le monde, il rend service, il est bricoleur, enfin il fait tout. Ouais. Le gentil Aristée pète un câble et se met à poursuivre Eurydice de ses assiduités. Voilà. Il essaye de l'attraper et évidemment Eurydice, très très effrayée, s'enfuit. Et en s'enfuyant, elle se fait mordre par un serpent et elle meurt foudroyée. Orphée, qui attend la noce, va chercher sa future femme et s'aperçoit qu'elle est décédée, évidemment, brisée. Vous appelez ça une belle histoire. Oui, oui, vous allez voir. Orphée, il faut savoir que c'est le grand poète. C'est la douceur incarnée. Hein. Orphée, c'est celui qui est capable d'émouvoir les dieux, les hommes, les animaux et les choses. Et donc, Orphée s'aperçoit, il se met à chanter des mélopées absolument magnifiques, tragiques, qui émeuvent même les dieux des enfers. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il va chercher Eurydice dans les enfers, mais ça ne marche pas et Eurydice disparaît. Aristée est le responsable de la mort d'Orphée. Mais en fait, au fond, Aristée a joué le principe de raison, en quelque sorte, dans un couple qui ne pouvait pas fonctionner. Parce que Orphée, c'était la poésie pure, Eurydice, c'était la beauté à l'état pur, et ils allaient tous les deux s'installer dans une espèce de lune de miel, l'expression vient de là, permanente. C'est-à-dire, voilà, on allait vivre d'amour et d'eau fraîche, de poèmes, etc. Et trop de culture tue la culture. Donc le mariage ne doit pas être une lune de miel. Le mariage ne doit pas être une lune de miel permanente, c'est ça le message qu'Aristée est obligé de transmettre. Donc il faut de la douceur pour la civilisation, mais il ne faut pas s'installer dans la douceur. Il est inconcevable que Orphée s'installe en bon couple bourgeois, qu'ils aient des enfants, c'est pas possible. Donc voilà, il faut arrêter ça et dire à l'abeille, parce que la nymphe c'est une abeille. C'est pour ça qu'Aristée considérait qu'Eurydice lui appartenait, parce que c'était une nymphe. Et la nymphe ne doit pas devenir nymphomane. Elle ne doit pas s'installer dans la douceur, elle doit devenir une bonne ouvrière. C'est-à-dire elle doit enfanter, elle doit bosser, elle doit faire le ménage dans la ruche. C'est ça l'idéal de la femme grecque. Voilà. Si je résume, désolé, hein, mais... si je résume la morale de cette histoire que vous dites belle, le mariage ne doit être ni une abondance de cornes, ni une corne d'abondance. Voilà, tout à fait. Puisque vous êtes scientifique et qu'on a rappelé tout à l'heure que le miel ne pourrit pas, est-ce qu'on comprend chimiquement d'où vient le fait qu'il est aussi stable et qu'il peut être consommé directement tel qu'il est produit ? Mais en fait, le miel, du coup, pour enlever un peu de douceur, le miel, c'est globalement du vomi d'abeille. Donc, c'est-à-dire que c'est... Parfois sur la base d'excréments de pucerons, en plus. Hein, le miel de sapin. Je vous en prie. Le miel de sapin, les abeilles butinent, non pas le nectar, mais les excréments des pucerons qui sont sur les... Voilà, pour compléter. Manger du miel. Pour compléter. Et donc, en fait, c'est du nectar qui est mélangé à tout un tas d'enzymes dans l'estomac de l'abeille. Et ce sont ces enzymes-là, donc c'est des protéines actives qui vont détruire la plupart des germes. Et donc ça, associé à différentes propriétés inhérentes au miel, mais c'est surtout l'aspect enzymatique des abeilles, donc ça a évolué au cours du temps pour être antibactérien. Donc ça s'explique et c'est utilisé maintenant de plus en plus comme cataplasme pour soigner les blessures, pour cicatrisant. Alors, j'avais dit qu'on allait parler de la sexualité des abeilles, que vous racontez assez longuement dans le livre que vous avez écrit avec votre frère, Pierre-Henri Tavoyot. Bon, ça m'a l'air compliqué. Il y a la reine, les faux bourdons qui viennent des ruches voisines, la spermathèque de la reine qui se remplit, la ruche qui peut à l'occasion devenir bourdonneuse, les mâles qui, dans la ruche, n'ont pas de père, ce qui donne un exemple d'homoparentalité sans PMA. C'est le bazar. Oui, alors pour raconter comme ça, voilà. C'est effectivement un peu le souk, mais ça a évidemment fasciné tous les penseurs. D'abord parce que on a mis très longtemps à penser que la reine était une reine, et on a pensé que c'était un roi. D'ailleurs, c'est très amusant. Ça, c'est de la projection, sans doute. Beaucoup d'arguments, c'est-à-dire que l'argument d'Aristote, faut pas, c'est pas un argument machiste, mais il dit la reine, entre guillemets, a un dard. On n'a jamais vu de femelle armée. Donc c'est un roi, voilà. Gros c'est QFD. Bon, il y a d'autres arguments. C'était matriarcal. Et c'est en plus, ça a été effectivement le modèle. Alors là, pour le coup, très très développé par la suite d'une pensée matriarcale, notamment chez le juriste Bachofen, qui est vraiment le penseur du matriarcat. Mais grosso modo, les choses se passent de la manière suivante. On n'avait jamais observé que la moindre copulation au sein de la ruche. Et on avait raison. Donc la question de savoir d'où venait la reproduction de la ruche était une énigme. Et donc pendant très longtemps, on a pensé d'abord qu'elle se reproduisait par... L'Immaculée Conception. Alors oui, l'Immaculée Conception, ça va servir de modèle pour les théologiens chrétiens, mais par génération spontanée. Voilà, je cherchais le mot, c'est-à-dire le mythe de la bougonie. C'est-à-dire il faut tuer trois veaux ou trois taureaux et les abeilles vont naître des cadavres des taureaux. Ça, la bougonie, ça fonctionne jusqu'on retrouve des textes scientifiques du 19e siècle qui parlent encore de ça. Après, on s'est dit non, c'est pas ça. Et donc, doit y avoir des systèmes de reproduction. Et l'idée était une espèce de parthénogenèse, ce qui est assez juste d'ailleurs, c'est-à-dire que les abeilles, les ouvrières, on va dire comme ça, étaient capables d'une certaine façon de se reproduire elles-mêmes tout en restant vierges. Et on n'avait jamais observé de reproduction au sein de la ruche. Pourquoi ? Tout simplement parce que la reproduction n'a pas lieu au sein de la ruche. La reine, qui est une abeille comme les autres, mais nourrie d'une certaine manière, sort de la ruche et se fait féconder à l'extérieur de la ruche et en plein vol par des bourdons d'une ruche extérieure. Mais pourquoi est-ce qu'on les appelle des faux bourdons ? Parce que le bourdon est par ailleurs une autre espèce qui existe à part entière. Donc les faux bourdons qui sont des abeilles, même si Aristote pensait que c'était pas la même espèce, sont des abeilles dont le rôle d'ailleurs est très mystérieux. C'est dans la ruche puisqu'ils ne produisent pas de miel. Non, certains disent qu'ils mangent. C'est très clair. Ils servent juste à la reproduction. Ils savent pas manger tout seuls. Ils servent à rien. Ils servent à la reproduction. C'est déjà pas mal. Oui, voilà. Mais c'est pas un destin très sympathique. Non, c'est pas une vie marrante, ils meurent aussitôt après. Voilà, donc ils copulent avec la reine prend leur sperme, elle le met dans la spermathèque, et puis quand les faux bourdons se retirent, leur abdomen est arraché, ils tombent foudroyés. Voilà. J'ai lu que l'abbé Della Rocca disait, en constatant que les bourdons qui fécondent la reine meurent en plein vol... Enfin, juste après, que c'était une bonne leçon pour les libertins. Voilà, donc autre message anthropocentré, là c'est les leçons de la ruche. Après, effectivement, l'autre message, c'est que les faux bourdons, à la fin de l'été, sont expulsés de la ruche, et il y a une espèce de, entre guillemets, de génocide des faux bourdons à la fin de l'été, quand ils ne servent vraiment plus à rien, si je puis dire, et ne servent plus à la reproduction. Une fois que l'abeille est fécondée, la reine est fécondée, eh bien elle va se mettre à pondre. Et en fait, cette reine est une mère. C'est ce qui apparaîtra très longtemps dans les démarches. Mais si une ruche n'a plus de reine, elle va pourtant continuer, le cas échéant, de pondre, de se reproduire, mais uniquement des faux bourdons. Vous parlez à propos de cette parthénogenèse gamophasique, je crois que c'est le nom scientifique, d'une procréation spirituellement assistée, PSA. Alors, ça c'est dans la théologie chrétienne, c'est-à-dire que dans la théologie chrétienne, il y a beaucoup d'usages de l'abeille, alors même que d'ailleurs dans l'évangile, aucune référence n'est faite à la ruche, pour cette simple raison que pour les premiers pères de l'Église et les chrétiens, la ruche était quand même, l'abeille était un symbole vraiment païen. C'est-à-dire une espèce d'être intermédiaire entre les hommes et les dieux, et donc c'était le messager des dieux. Donc pas de ça. Dans le christianisme, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Donc exit le symbole. Mais très rapidement, les pères de l'Église vont réutiliser ce symbole, notamment pour parler de la virginité de Marie. L'argument est très simple, on leur dit, mais attendez, la virginité de Marie, c'est quand même une folie. D'abord, l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie elle-même serait née hors du péché originel, et par ailleurs le fait que Marie enfante du Christ sans sexualité. C'est juste inconcevable. Et tous les pères de l'Église, unanimes, répondent inconcevable. Mais pas du tout, regardez la ruche, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce qui est anormal, c'est pas la sexualité des abeilles, qui n'en ont pas d'ailleurs. C'est pas la reproduction des abeilles, ce qui est anormal, c'est la reproduction sexuelle des humains. C'est ça qui est anormal. La Terre fonctionne avec cette image qu'il y a une poussière, une semence divine qui est distribuée et que chacun prend et se reproduit comme ça. Donc c'est un argument qu'on retrouve chez saint Augustin, qui vont en quelque sorte inverser la charge de la preuve en faisant considérer que la sexualité humaine est assez largement pathologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en priver du tout, mais qu'il faut le plus possible dans cette sexualité se rapprocher de la reproduction de l'abeille. L'abeille est un exemple pour l'homme de ce point de vue-là aussi. Aurore Averges-Weber, je voulais vous interroger sur la gelée royale. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais j'ai cru comprendre que la ruche produit exactement la quantité de gelée royale qu'il faut pour la reine. Donc comment est-ce que nous, on arrive à produire de la gelée royale, à la vendre sur les marchés, à la consommer? Il faut extraire la reine? Oui, après, ce qu'il faut bien comprendre, justement, cette notion de reine, j'en profite pour élargir un peu, c'est que c'est en rien une reine, c'est plutôt une esclave, cette pauvre reine. C'est-à-dire que, voilà, elle n'a aucun contrôle de la ruche. Ce n'est pas du tout elle qui va dire à la ruche ce qu'il faut faire, etc. Elle pond, elle est dans une loge royale, elle pond, et la seule chose qu'elle fait, c'est inhiber la reproduction des autres, ce qui est peut-être déjà important. Mais c'est tout. Après, il y a une espèce d'auto-organisation qui se fait, donc un peu complexe, un peu stochastique. D'ailleurs, ce n'est pas si magique que ça. Il y a beaucoup d'abeilles qui font rien. Ce n'est pas toujours très simple. Et donc, du coup, la gelée royale, tout simplement, une ouvrière va fabriquer cette fameuse gelée royale s'il y a des loges d'une certaine taille, qui ça est même déterminé par les abeilles bâtisseuses, suivant la saison, suivant les besoins de la ruche, pour créer des grandes loges qui feront plus tard des reines. Et donc, ce que font les apiculteurs, il y a plusieurs méthodes, mais une des méthodes est de créer artificiellement en fait ces loges-là. Et donc, elles vont pouvoir ensuite fabriquer plus de gelée, ou sinon, effectivement, enlever les nymphes de reines et récupérer la gelée royale. Mais c'est pour ça aussi que c'est très cher, c'est pas si simple à obtenir. Et j'ajoute juste qu'effectivement, la reine est peut-être le plus merveilleux exemple pour expliquer l'épigénétique, puisque le patrimoine génétique, si je ne me trompe pas, d'une reine et d'une ouvrière est strictement le même, mais la différence vient de la nourriture, c'est-à-dire toutes les embryons sont nourris à la gelée royale, mais la reine va être nourrie plus longtemps que les autres à la gelée royale et va développer à partir de là une sorte de capacité qui sera bloquée ou inhibée effectivement chez les autres. Et donc là, on a deux êtres qui ont le même patrimoine génétique. Et c'est effectivement la nourriture plus riche qui permet un développement des ovaires. Et donc, parce que bien sûr, l'abdomen, s'il est si long, c'est parce que les ovaires sont si longs. Les ouvrières ont des ovaires atrophiés. Et justement, pour aller plus loin sur cette histoire d'épigénétique, en tout cas de modification, c'est-à-dire que du coup, une ouvrière qui naît, donc devient ouvrière parce qu'elle n'a pas mangé aussi longtemps la gelée royale, mais après, elle fait toutes les tâches dans la ruche au cours du temps. Et en fait, entre une jeune abeille et une abeille plus âgée, c'est plus du tout le même animal. Or, les gènes sont les mêmes, mais ils ont été régulés différemment. Et donc, c'est-à-dire que du coup, les protéines qui se fabriquent ne sont pas du tout les mêmes quand elles sont nourrices, qu'elles s'occupent de la reine et des larves, que quand elles sont butineuses, parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes besoins. Le cerveau est différent, il y a des zones du cerveau qu'on grossit, d'autres qu'on rapetissit. Et ce, en trois semaines, un mois. Et donc, c'est un même individu qui a les mêmes gènes va changer drastiquement non seulement de cerveau, de protéines, de fonctions, de capacités, de comportements. Juste, voilà, par... Alors, vous parlez d'abeilles jeunes, d'autres plus âgées. Mmh. Ça peut vivre combien de temps, une abeille? À peu près un mois. Ça dépend la saison. Oui, mais l'hiver, elles peuvent vivre plus longtemps parce que... Mais la reine, c'est beaucoup plus. La reine, c'est plusieurs années, oui. Alors, Aristote va dire jusqu'à 7 ans. En fait, c'est beaucoup... Plutôt moins. Voilà, 3 ans, c'est ça? 3-4 ans. 3-4 ans. Je disais dans mon introduction que l'abeille a servi d'emblème pour la monarchie, pour l'empire. Est-ce que ça s'explique, ça? En fait, l'abeille, c'est vraiment ce que l'humanité cherche, c'est-à-dire le système politique parfait, qui répond absolument à toutes les circonstances, à toutes les situations. Et donc, chaque fois qu'on a inventé un système politique, on s'est dit, tiens, l'abeille le représente. Et c'est pas fini, hein, ça continue encore aujourd'hui. Monarchie, parce qu'il y a une reine. Alors, très intéressant, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le moment où on a découvert que l'abeille était une reine, on est au XVIe siècle, c'est le moment où Élisabeth est reine en Angleterre. Et c'est des Anglais qui découvrent, Butler, qui découvrent que... La, voilà, donc il y a à un moment donné, l'histoire réelle influe en quelque sorte. Mais sur la base d'observations très, par la suite qui vont être très objectives, notamment au microscope. Et d'ailleurs, je rappelle que la première image microscopique au monde... C'est une abeille. C'est une abeille. Voilà. La première chose qu'on a observée au microscope, c'est une abeille, hein, Barberini, les papes Barberini, à qui on a offert ça, dans l'Académie des Lynx. Donc c'est tout à fait fascinant. Mais sur le plan politique, c'est formidable, parce que monarchie, gouvernement d'un seul, regardez la ruche. Aristocratie, une hiérarchie dans la ruche, de la reine au faux bourdon, c'est la ruche. Démocratie, quand même, la ruche, les abeilles se sacrifient pour la cité, sacrifient leur vie, l'organisation est parfaite, même si on considère que le pouvoir de la reine est quasiment absent, c'est une république. Alors on peut se dire, déjà, on a l'idéal du gouvernement mixte, comme on l'appelait. Mais même avec les modernes, ça fonctionne. L'anarchie, ben oui, en fait, la reine n'a aucun pouvoir, comme vous le disiez, et il y a une autogestion. Le modèle de l'autogestion, c'est la ruche. Proudhon écrit des textes sublimes en disant « il faut qu'on se rapproche le plus possible d'une ruche ». Après, on va voir les communistes. Alors certes, selon Marx, il y a une grande différence entre l'abeille et l'architecte, comme dirait Mitterrand, malgré tout, il y a quelque chose de l'ordre de la propriété commune, de la production collective, et effectivement de cette idée de matriarcat communiste primitif, de communisme primitif contre la ruche. Avec un centralisme démocratique. Tout à fait. Et puis, troisièmement, on va dire le libéralisme. Eh ben, le libéralisme, comme par hasard, le premier texte de l'histoire du libéralisme politique, c'est la fable des abeilles de Mandeville, 1705, si mes souvenirs sont bons. C'est un texte qui raconte la fable des abeilles, donc c'est une allégorie, c'est une fable, là les abeilles sont plutôt un prétexte, mais comme par hasard, on choisit encore l'abeille comme modèle, et d'une certaine façon, cette fois-ci comme modèle du marché. Un marché autorégulé qui finalement n'a pas tellement besoin de l'État pour fonctionner. Donc, vous voyez, tous les régimes possibles et imaginables, non seulement l'abeille peut les penser, mais elle permet de les réconcilier tous ensemble. Et l'apothéose, c'est évidemment la période de l'Empire. Quand Napoléon réfléchit à créer un empire, il se dit, mais quel va être le symbole? Il réunit toute une série de... Napoléon Ier. Toute une série de communicants, spin doctors de l'époque, pour leur dire, trouvez-moi le logo de l'Empire. Alors, ils leur sortent, l'aigle en premier, mais le second, ça va être l'abeille. Parce que l'abeille représente l'image d'une république qui a un chef. Donc, quand on veut terminer la révolution, c'est ça qu'il faut prendre. Alors, ça vaudra Napoléon III, un petit poème de Victor Hugo que vous rappelez. Que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit, puisqu'il considérait qu'il n'était pas à la hauteur de la symbolique auquel on associait l'Empire. Je lis un tout petit extrait. Chaste buveuse de rosée, qui, pareille à l'épousée, visitait le lys du coteau, ô sœur des corolles vermeilles, fille de la lumière, abeille, envolez-vous de ce manteau. Et allez punir, si la suite, je la cite de mémoire, allez punir cet homme, puisque les hommes n'ont pas le courage de le faire. Allez-y, attaquez-le, piquez-le. Voilà, donc effectivement, Napoléon III et l'Empire, cette symbolique. Alors cette symbolique est très présente dans la monarchie, puisque en fait, alors c'est toute une histoire, on avait trouvé des abeilles dans la tombe de Childéric Ier, le père de Clovis, et qui aurait servi à créer la fleur de lys. Enfin, il y a toute une histoire qui va être recyclée, dans un recyclage symbolique massif par Napoléon. Alors Pierre-Henri Tavoyot, quand on vous écoute parler de la connexion symbolique qu'on a établie entre les abeilles et les différents systèmes politiques, on a l'impression que Doria Cubière, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, qui a écrit au début du 19e siècle, « Les abeilles ont été pour nous ce que sont les nuages, chacun y a vu ce qu'il a désiré y voir ». Oui, je crois que c'est ça que... Un peu la morale de votre livre. C'est la morale de l'histoire, c'est qu'il y a une espèce d'overdose métaphorique à l'égard de l'abeille, qui continue aujourd'hui d'ailleurs, dans l'époque hypermoderne, c'est-à-dire qu'on va faire de l'abeille aujourd'hui... Symbole de la biodiversité, de la sauvegarde des milieux. Voilà, symbole de la biodiversité, ce qui va nous sauver du capitalisme atrophiant, avec cette image des externalités positives, cette idée, l'idée que le capitalisme numérique utilise un modèle qui relève du modèle de la pollinisation. C'est-à-dire que quand vous allez sur Google, vous cliquez pour vous, cherchez votre nectar, en quelque sorte, mais en cliquant pour vous, vous créez de l'information. Et cette information a de la valeur. Et c'est cette valeur qui émerge. Donc on a là le modèle économique d'une externalité positive, où en fait la récolte, loin de nuire à l'environnement, contribue à son augmentation. Si on transpose ça dans le capitalisme d'aujourd'hui, on arrive à une création de valeur hallucinante et très respectueuse de l'environnement. Comment ne pas rêver ? Et puis, de l'autre côté, sur le plan de la fonctionnement de la démocratie, les phénomènes que vous décriviez tout à l'heure, c'est notamment le cas d'un chercheur américain qui s'appelle Thomas Sillet, qui a parlé de l'abeille démocrate. Il dit, mais là, on a les secrets d'une démocratie qui enfin fonctionnerait bien, puisque chacun est à sa place, il y a de l'intelligence collective. Thomas Sillet décrit notamment le phénomène de l'essaimage, et comment, quand un essaim... La décision se prend. La décision se prend. Où aller. Voilà, et comment il montre que c'est une décision toujours consensuelle, ou presque toujours consensuelle, qu'elle est unanime, qu'elle est intelligente. Et on se dit, mais si on applique ça à la démocratie, c'est génial, on a tout résolu. Le seul problème, c'est que si on était dans l'intelligence, si la cité était une ruche, on n'aurait pas besoin de politique. Et d'une certaine manière, le drame et la grandeur de l'humanité, c'est qu'on a besoin de politique et que ni l'intelligence collective, qui peut être aussi de la bêtise collective, ne l'oublions jamais, ni les phénomènes de pollinisation ne fonctionnent comme modèle exclusif. Dans la ruche, les abeilles politiques sont en chômage technique. Oui. Qu'est-ce qu'un politique ? C'est ce que disait Aristote, l'homme est un animal politique. Et il disait aussi, l'abeille est un animal politique. Mais la grande différence, c'est que l'abeille est naturellement politique. C'est pourquoi les systèmes des abeilles marchent mieux. Tandis que l'homme est logiquement politique. C'est-à-dire qu'il a besoin de la parole, logos, pour être politique. Et ça marche moins bien. Dès lors qu'on a besoin de discuter, ça marche moins bien. Ça produit peut-être plus de choses grandes, belles, mais ça dysfonctionne beaucoup plus souvent, même si il faut se garder de considérer que la ruche est un système parfait, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la ruche. Aurore Averges-Weberbo, vous êtes scientifique, vous étudiez les abeilles scientifiquement. Est-ce que ça vous intéresse, cette overdose métaphorique qu'on projette sur les abeilles ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous sert ? Est-ce que ça m'amuse beaucoup. Ça vous amuse ? Ça m'amuse parce que, voilà, effectivement, on crée une image de l'abeille qui n'est pas la réalité, qui est juste basée sur soit des contes, effectivement, homériques, ce n'est pas vraiment Homère, mais voilà, ou des histoires d'enfants. Et effectivement, c'est ça qui m'amuse beaucoup lorsque je dis aux gens, Manon, dans les abeilles, c'est pas vrai qu'elles sont travailleuses, il y a beaucoup d'abeilles qui font rien et qui, voilà, dans une ruche, il y a de 20 à 25% des abeilles qui n'ont pas l'air d'avoir activité. Donc on pense, parce qu'il faut toujours trouver une fonction aux choses, donc on s'imagine qu'elles servent pour que quand il y a un vrai événement important, eh ben, elles puissent être recrutées pour venir aider si voilà, y a une grosse floraison ou si y a un ours qui vient embêter la ruche. Donc mais la ruche est un monde d'assister, ça va être encore un message politique. Et puis voilà, c'est cette histoire de politique. C'est vrai que ça ne se fait pas non plus si simple. C'est quand même un peu toujours cette histoire un peu probabilistique. C'est-à-dire que voilà, il y a tout un tas d'individus qui sont informés, ils n'ont pas tous les mêmes informations et c'est celles qui veulent crier le plus fort. C'est-à-dire que, on parlait de l'essaimage, donc trouver un nouveau lieu, un nouveau nid. Et donc chaque abeille va dans une direction, elle trouve un lieu qui leur paraît intéressant et elles viennent dire aux autres, ah, on va là-bas c'est bien. Et du coup, ben, celle qui va crier le plus fort va en recruter plus, qui vont aller voir. Si ça leur paraît effectivement bien, elles vont faire taire les autres pour avoir ce consensus qui se crée. Et donc Thomas Sillet montre que parfois ça peut durer une semaine, ça peut durer très longtemps, si elles n'arrivent pas à se mettre, si les premières ne veulent pas se taire, etc. Donc ce n'est pas si magique et si merveilleux, mais c'est amusant de voir l'image qu'on en fait. Voilà. Aurore Averges-Weber et Pierre Itoyo, on vous écouterait vraiment des heures, mais malheureusement le temps passe et le moment est venu de vous adresser des paroles méliflues, c'est-à-dire de vous dire merci. Vous nous avez montré que les mots savoir, sagesse et saveur ont une origine commune chez l'Homo sapiens. Merci à vous. C'était Merci. La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation François Connac. Pensez bien à quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.